Par le vénérable Sayadaw Upandita Bhivamsa. Centre de méditation, 5e Mondi, mai 2000. Aujourd'hui, le vénérable Sayadaw va nous expliquer tout d'abord en quoi consistent les bénéfices de la pratique de Satipatthana, et ensuite, il fera un sermon de clôture. Hier, le vénérable Sayadaw nous a expliqué que lorsqu'on pratique Satipatthana, qu'on note et qu'on observe un objet bien précis et qu'on réalise sa nature, les huit facteurs du chemin sont automatiquement présents. Ces huit facteurs du chemin sont regroupés en trois sections: Sila Maganga, le groupe de la moralité, les facteurs du chemin de la moralité, Samadhi Maganga, les facteurs du chemin de la concentration, et Panya Maganga, les facteurs du chemin qui concernent la sagesse. Les facteurs du chemin de la moralité vont permettre de surmonter les impuretés grossières, les impuretés de transgression. Les facteurs du groupe de la concentration vont permettre de surmonter les impuretés de type obsessionnelle, les impuretés dont on dit qu'elles bouillonnent dans l'esprit, et les facteurs du groupe de la sagesse, Panyamaganga, vont permettre de surmonter les impuretés latentes. Dans une retraite aussi courte, il n'est pas possible d'expliquer en détail tous ces facteurs du chemin. Il faudrait pour cela une retraite de longue durée. Si on s'efforce de développer, de nourrir, de faire mûrir le groupe de la moralité, la vie quotidienne va s'harmoniser. Les facultés mentales vont se renforcer. Les facultés mentales, ce sont par exemple la foi, la confiance, saddha, la motivation, le désir de méditer, chanda, l'effort, viriya, l'attention, sati, la concentration, samadhi, et oui, la sagesse, panya. Quels sont les facteurs qui vont renforcer ces facultés? Prenons un exemple bien concret. Si le corps est nourri correctement, s'il reçoit un apport suffisant de vitamines, si d'autre part, l'air qu'il respire est pur, si la température n'est pas extrême, si on prend le temps de faire de l'exercice physique et d'autres activités qui vont renforcer le corps, il est certain qu'on se sentira bien et fort physiquement. La circulation sanguine se fera correctement. Et si des occasions de maladie se présentent, la personne n'y succombera pas, car son corps est fort. La personne ne tombera pas malade, car elle détient d'une part la capacité de repousser cette maladie et d'autre part la capacité de résister. C'est la même chose dans le domaine de l'esprit. Si l'esprit est nourri des forces mentales, comme la foi, la confiance, le désir, l'attention, l'effort, la concentration et la sagesse, la capacité à repousser et la capacité à résister vont devenir très fortes. S'il expérimente la souffrance ou au contraire le bonheur, l'esprit va rester équanime, il garde son équilibre, il n'est pas affecté par ses états. S'il peut maintenir son équanimité, c'est parce qu'il a développé la capacité à repousser et à résister. Lorsqu'il est confronté aux vicissitudes de la vie, l'esprit reste stable, il n'est pas affecté, il est équanime. Lorsque l'esprit est ainsi en équilibre, les formes les plus grossières de transgression au niveau des actes, au niveau des paroles et au niveau de l'esprit ne peuvent pas avoir lieu. C'est ainsi qu'en développant la capacité à repousser et à résister, on peut équilibrer ses comportements, la vie s'harmonise et on se trouve sur le juste chemin. C'est essentiellement l'attention qui va amener le contrôle de l'esprit. Sans attention, il n'y a pas de contrôle possible. Voici un exemple. Les mauvaises herbes se développent très facilement. Elles vont poser un problème dès le moment où l'on veut cultiver le champ et remplacer ces mauvaises herbes par des essences utiles. Il faudra donc, dans un premier temps, éliminer ces mauvaises herbes. Cette première opération est indispensable si on veut obtenir de bons résultats. C'est la même chose dans la vie. Si les mauvaises herbes de loba, le désir avide, de dosa, la colère, et de moha, l'ignorance, ont envahi l'esprit, nous aurons des problèmes, nous allons souffrir, nous expérimenterons dukkha. Ces mauvaises herbes de loba, dosa et moha devront être remplacées par des facteurs mentaux positifs utiles. Si nous réussissons à faire cela, notre vie va devenir utile et valable. Dans notre monde, 100% de la souffrance s'enracine dans raga, dosa et moha, le désir avide, la colère et l'ignorance. La souffrance s'enracine à 100% dans ces impuretés. Voyez par vous-même, ces impuretés tourmentent, elles brûlent l'esprit. Parmi les nombreuses causes qui provoquent la souffrance dans le monde, il y a les trois pensées incorrectes, Mitcha, Witaka. La première de ces pensées négatives consiste à travailler pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de sa propre famille. Ceci, en essence, revient à désirer. C'est l'oba. Lorsqu'on n'obtient pas ce que l'on désire, on réagit par la colère, par l'aversion. Ce sont les pensées de colère. Et il se peut parfois que ces pensées de colère se développent tellement qu'elles se transforment en désir de tourmenter, de faire du tort à autrui. Et nous avons alors les pensées de cruauté. Ces trois formes de pensées négatives ont tendance à proliférer. Ces pensées négatives ont également tendance à détruire les êtres. Elles empêchent les êtres de progresser, de devenir bons, de devenir positifs. Si on suit ces pensées négatives, Mitcha Vitaka, si on les laisse se développer, il est inévitable que la souffrance s'installe dans notre vie. Si nous ne faisons pas appel à Sati, l'attention, il est inévitable que les problèmes sociaux, le stress mental, les tensions s'installent en nous. On pourrait même tomber malade mentalement et devenir fou. Si elles ne sont pas contrôlées, ces pensées négatives peuvent devenir extrêmement fatigantes et épuisantes. Ceci est inévitable en l'absence de contrôle, de maîtrise. Il faut être capable de contrôler ces feux intérieurs. Il faut pouvoir empêcher l'apparition de loba, l'avidité, dosa, la colère, et moha, l'illusion, par l'attention. Et si ces feux ont déjà pénétré en nous, il faudra les éteindre par l'attention sati. Si on n'est pas capable d'empêcher l'apparition du feu dans notre esprit, et si d'autre part on n'est pas capable d'éteindre le feu qui se serait déjà manifesté dans notre esprit, la vie peut devenir extrêmement confuse. La pratique de la méditation, comme vous le faites en ce moment, va amener des bénéfices. On se rendra compte par soi-même que le développement de l'attention va amener un soulagement dans la vie au niveau des tensions, au niveau du stress mental et au niveau des problèmes sociaux. En conséquence, on va commencer à apprécier l'attention. L'intérêt qu'il y a à être attentif va devenir évident. On va également craindre de ne pas être attentif, d'être distrait ne fût-ce qu'un instant. On va commencer à éprouver du dégoût et de la crainte pour l'inattention. Ce dégoût et cette crainte pour l'inattention est appelé en pali iri otapa. On va comprendre que le feu doit être contrôlé préventivement. Il faut prévenir son apparition au moyen de l'attention. Et si le feu s'est déjà propagé, c'est de nouveau l'attention qui va permettre de l'éteindre. Éprouver ainsi du dégoût et de la crainte pour les états d'esprit brûlants, les états d'esprit négatifs, disposant de iri et de otapa, la personne va fournir plus d'efforts, son attention va se développer, sa concentration va devenir plus profonde et la sagesse panya va mûrir. Dans les pays occidentaux, on trouve un peu partout dans les bâtiments des extincteurs de feu. Ces extincteurs ont pour but d'éteindre les incendies. Si l'incendie est d'envergure, il sera utile de porter également un vêtement et un masque anti-feu. Ce vêtement et ce masque vont nous protéger contre la chaleur du feu. C'est la même chose pour le feu mental. La première chose à faire, c'est d'éviter que ce feu ne pénètre en nous. Ceci pourra se faire par l'attention, par sati. Et si le feu s'est déjà déclaré en nous, il faudra l'éteindre et de nouveau, c'est l'attention qui va nous permettre d'éteindre ce feu. L'attention, c'est l'extincteur qui va nous permettre d'éteindre le feu. Il sera peut-être également nécessaire de porter un vêtement et un masque approprié de façon à ne pas ressentir la chaleur dans toute son intensité. Ce masque et ce vêtement approprié, c'est également sati, l'attention. Le vénérable Sayado voudrait conclure en vous souhaitant à tous de devenir de bons pompiers en participant souvent à des retraites comme celle-ci. Puissiez-vous tous devenir des pompiers du Dhamma accomplis. Les inspirations et les expirations, de même que les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, peuvent être des objets d'attention dans la pratique de samatha, de même que dans la pratique de vipassana. Comment faut-il procéder dans samatha et comment faut-il procéder dans vipassana? Pour répondre à cette question, il est nécessaire tout d'abord de comprendre que l'attention aux inspirations et aux expirations est une pratique différente de l'attention au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il y a deux termes pali, des termes théoriques. Tout d'abord, ahakara, qui est la forme ou la manière, et sabhava, qui est la nature de l'objet. D'ordinaire, lorsqu'on parle du soulèvement et de l'abaissement de l'abdomen, il s'agit de l'état de dilatation et de l'état de dégonflement de l'abdomen. Ceci, c'est le mode ou la manière de l'objet, c'est ahankara. La dureté, la tension présente au moment du soulèvement de l'abdomen, le mouvement, c'est sabhava, la véritable nature de l'objet. Lorsque l'esprit est focalisé sur ahankara, c'est-à-dire le mode ou la manière, sans percevoir la véritable nature de cet objet, sans être attentif aux sensations, il s'agit de samatha, c'est la pratique de la concentration. Si l'esprit est focalisé sur la manière ou sur le mode, c'est-à-dire sur ahankara, la concentration samadhi va se développer. Les nivaranas, les empêchements, seront supprimés. Mais pour y arriver, il faudra tout d'abord diriger l'esprit, le focaliser sur l'objet, et ensuite, il faudra l'y maintenir, que l'esprit se frotte contre cet objet. Si tel est le cas, l'esprit va se calmer. Mais ce calme est le seul bénéfice de la pratique de samatha. Le méditant samatha ne peut pas obtenir d'autres bénéfices que la paix, le calme de l'esprit. Il ne pourra pas réaliser la véritable nature de l'objet. Le mot pali vipassana implique la connaissance qui résulte de l'observation des phénomènes physiques et mentaux qui existent réellement et de la vision de leurs caractéristiques, anicca, l'impermanence, dukkha, la souffrance, et anatta, le non-soi. En d'autres termes, c'est la réalisation de la véritable nature de ce processus. Le méditant réalise tout d'abord la différence entre l'esprit et la matière. Ensuite, il voit la relation de cause et d'effet, et il réalise les apparitions et les disparitions des différents objets. Mais lors de la contemplation des apparitions et des disparitions des différents phénomènes, samatha est cependant présente. Lorsque le méditant observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, Viriya, l'effort, est présent. Lorsqu'il maintient son observation des différents phénomènes qui apparaissent et disparaissent, l'attention est présente. La concentration momentanée va aussi se manifester. Ces trois facteurs, Viriya, Samadhi et Sati, l'effort, la concentration et l'attention, forme un groupe appelé samatha. Ce groupe de samatha a ceci de particulier qu'il élimine les empêchements, les nivaranas. On voit donc que ce type de samatha accompagne spontanément vipassana. Ce type de samatha se développe parallèlement à la pratique de vipassana. Le méditant qui pratique vipassana va dépasser la forme, la manière. Il va alors tout d'abord faire la différence entre l'esprit et la matière. Il va réaliser les causes et les effets. Et ainsi, sa pratique de vipassana devient puissante. Lorsque dans la pratique, l'esprit est focalisé sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, et que la concentration se développe, vipassana va automatiquement se développer également. Et le méditant voit la nature du phénomène, comme par exemple la dureté, la tension, la dureté, la chaleur, les vibrations, la fluidité, etc. Le vénérable Sayadaw pourrait-il nous expliquer ce qu'est l'arrêt intérieur et comment faire pour le déceler? Le méditant va donc noter les différents phénomènes, à commencer par les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Ils doivent le faire de façon à ce que l'esprit ne s'échappe pas. Lorsqu'il pourra progresser, il est possible que le méditant expérimente la joie, piti, le bonheur sukha. Il va peut-être même voir des lumières, des choses extraordinaires. Il peut alors penser qu'il a atteint le Dhamma. Il peut s'attacher à ce genre d'expérience, les trouver très attirantes, et en conséquence, sa pratique ne progressera plus. Ceci est appelé l'arrêt intérieur. La première chose à faire, c'est de ne pas s'attacher à ce genre d'expérience comme piti, sukha ou les lumières. Il faut simplement noter de façon très ferme et répéter. S'il procède ainsi, le méditant ne s'arrêtera pas intérieurement. Troisième question. Lorsqu'en posture assise, les phénomènes apparaissent et disparaissent si rapidement, je ne peux pas les étiqueter car je n'ai pas le temps de le faire. Je ne peux qu'en prendre conscience. Que dois-je faire? Le fait d'étiqueter, de noter, n'est pas l'essence. Prendre conscience, c'est l'essence. Au début de la pratique, il est utile d'étiqueter les phénomènes car cette technique permet de développer la concentration, le samadhi. À l'école, lorsque l'enfant apprend à lire, il doit, au début, séparer les lettres et les reconnaître les unes après les autres. Ce n'est qu'à cette condition qu'il pourra lire le mot. Après beaucoup d'entraînement, il ne sera plus nécessaire de séparer chaque lettre. Il ne devra plus séparer les mots. Il pourra lire facilement. C'est la même chose en méditation. Au début, le méditant doit, pour ainsi dire, séparer chaque phénomène. Ses annotations sont lentes. Il va appliquer l'effort, l'attention et la concentration. Ces trois facteurs vont se développer et le méditant aura l'impression que les phénomènes se succède plus rapidement, mais le vénérable Sayadaw précise que les phénomènes arrivent tout simplement à leur vitesse naturelle. Lorsque les objets se succèdent ainsi à grande vitesse, le fait d'étiqueter peut devenir gênant. Si tel est le cas, le méditant doit abandonner l'étiquetage pendant un certain temps. Faut-il raconter aux autres ses propres expériences pendant la retraite? Faut-il parler aux autres de ce qui s'est dit au cours de l'entretien? En dehors d'une retraite, on peut expliquer la méthode de méditation aux gens qui sont honnêtes et qui s'intéressent vraiment à cette pratique. Mais il vaut mieux ne pas expliquer cette méthode à ceux qui ne sont pas honnêtes ou qui n'ont pas un intérêt sincère pour la pratique. Pourquoi? Parce que de telles personnes qui ne sont pas très honnêtes pourraient se faire des idées à propos de cette méditation. Ils pourraient mal la comprendre. Ils pourraient peut-être même se nuire à eux-mêmes. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux ne pas expliquer la méthode de la méditation à ces gens-là. Pour ce qui est de l'entretien avec le maître de méditation, le vénérable Sayadaw aimerait donner un exemple. Lorsqu'un élève doit solutionner un problème en mathématiques, Le professeur doit simplement lui donner la méthode pour arriver à trouver par lui-même la solution. La solution va alors automatiquement se présenter. Il est important de connaître la méthode, car c'est alors seulement qu'on pourra trouver la solution au problème. Il n'est pas recommandé de donner la solution dès le départ. C'est la même chose en méditation. Il est bon d'expliquer la méthode aux autres, mais il vaut mieux garder ses expériences pour soi-même. Il ne faut pas en parler aux autres. Si les gens vous demandent comment s'est passée votre méditation, votre retraite, vous pouvez tout simplement répondre que cette retraite s'est très bien passée, que vous avez changé de façon significative. La question suivante. Très vénérable, en dehors des méditations intensives comme celle-ci, est-on autorisé à pratiquer chez soi malgré qu'il n'y ait pas de professeur? Comment peut-on alors savoir si on est sur la bonne voie? De bons livres écrits par des maîtres compétents peuvent-ils être considérés comme des guides lorsqu'on pratique chez soi sans le soutien d'un maître? Après une retraite de courte durée, de quelques jours seulement, un méditant n'est pas encore à même d'assimiler la méthode. Mais s'il a fait une retraite de longue durée ou plusieurs retraites de courte durée, il devient très habile et il est capable de méditer tout seul chez lui. Après donc une retraite de longue durée ou plusieurs retraites de courte durée, le méditant pourra se rendre compte par lui-même s'il est sur la bonne voie. Il va observer les différents objets, se focaliser sur ces différents objets et il sera en mesure de percevoir la nature de ces objets. Il pourra même peut-être progresser et avancer dans sa méditation. C'est un peu comme quelqu'un qui apprendrait le piano. Il a pris quelques cours et ensuite il rentre chez lui. Il va se souvenir de certaines choses qu'il a apprises au cours de ses leçons. Il va jouer chez lui et comme il est capable de se souvenir de certaines harmonies, il pourra peut-être progresser. Quant à savoir s'il est utile de lire des livres écrits par d'éminents professeurs Vipassana, le vénérable Sayadaw voudrait tout d'abord poser la question, qu'est-ce que c'est un éminent professeur Vipassana? Il y a des gens qui se prétendent de bons et compétents maîtres de méditation, mais en fait, ils ne le sont pas. Si on lit un livre écrit par un professeur Vipassana authentique, on peut effectivement en retirer beaucoup de bénéfices. Lorsqu'on se déplace en voiture, on peut utiliser une carte. Grâce à la carte, on va trouver son chemin. Mais évidemment, il vaut mieux avoir un guide capable de vous indiquer la route. Car même si l'on dispose d'une bonne carte, on peut encore se tromper. Faut-il fermer les yeux pendant la méditation assise? Si on pratique exclusivement Samatha, on peut garder les yeux ouverts. Pour la méditation Vipassana, le Bouddha n'a pas donné d'instruction particulière à ce sujet. Mais lorsque les annotations deviennent bonnes, les yeux vont automatiquement se fermer. De toute façon, il n'y a rien à voir, rien à regarder à l'extérieur. Il vaut donc mieux garder les yeux fermés. La question suivante, pourquoi ai-je tendance à pleurer pendant la méditation? Parfois, je commence à pleurer après avoir Simplement noter une ou deux fois les mouvements de l'abdomen. Quelle est la signification de ces pleurs? Pourquoi dois-je pleurer ainsi et que puis-je faire? Les pleurs sont dues à l'esprit. Il se peut que parfois le méditant se sente déprimé, triste, et il va alors pleurer. Il y a des pleurs qui sont provoqués par des kusalas, des états d'esprit positifs, et des pleurs qui sont provoqués par des akusalas, des états d'esprit négatifs. On peut pleurer de peur. Par exemple, si un membre de la famille est décédé, ou bien si l'on perd ses possessions, si l'on est pris par une maladie, si on a peur de certaines personnes, tout ceci peut provoquer les pleurs. Il y a des pleurs qui sont provoquées au contraire par la joie. Ceci est souvent sous-tendu par l'oba, l'avidité. Lorsqu'on participe par exemple à une compétition athlétique et qu'on gagne, on peut pleurer de joie. Si un acteur ou qu'une actrice gagne un Oscar, elle peut aussi se mettre à pleurer de joie. Le type de joie qui s'enracine dans un état d'esprit positif, dans des kusalas, s'appelle piti, la joie. Cette joie, cette piti, est provoquée, par exemple, lorsque le méditant réussit à voir la vraie nature des phénomènes. Piti peut provoquer alors les pleurs. D'autre part, lorsqu'un méditant éprouve beaucoup de sensations désagréables, il peut éventuellement être amené à pleurer. Mais ce type de pleurs fait partie des pleurs à mettre en rapport avec les kusalas, des pleurs qui s'enracinent dans des états d'esprit positifs. Parfois, lors d'une compétition athlétique, le vainqueur peut se mettre à pleurer. Le vénérable Sayadaw a pu voir cela. Ce sont le plus souvent les femmes qui pleurent. La huitième question. Médicalement parlant, la douleur est un cri d'alarme que lance notre organisme devant un mal qui progresse. Si on arrive à supporter cette douleur, 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus, ce cri d'alarme reste sans réponse et le mal s'intensifie. N'y a-t-il pas ainsi risque que ce mal explose et donne naissance à quelque chose de grave pour notre organisme, toujours médicalement parlant? Ceci est probablement vrai d'un point de vue médical, mais du point de vue du Dhamma, le vénérable Sayadaw ose désapprouver. Lorsqu'on observe des sensations désagréables, il faut le faire avec beaucoup de patience. Au début de la pratique, il n'est pas recommandé de rester assis en méditation pendant 1 ou 2 heures à observer les sensations désagréables. Personne ne demande cela. Plus tard, lorsque le méditant a progressé, Le méditant pourra constater que ces douleurs qu'il observe changent constamment. La douleur peut bouger, peut se dissoudre, peut se diviser en particules, et il se peut même parfois que la sensation désagréable devienne une sensation agréable. Lorsque tout ceci se produit, le méditant trouve intéressant d'observer la sensation désagréable. Et cette sensation douloureuse peut devenir une sensation douloureuse agréable. Lorsqu'il expérimente ce genre de choses, le méditant ne ressent plus les sensations désagréables comme un signe de danger. Il ne les voit plus comme un signal de maladie prochaine. En observant ainsi la sensation douloureuse, le méditant peut développer la sagesse. Il la voit augmenter d'intensité, il la voit diminuer d'intensité, il la voit changer il ne verra pas tout de suite que cette sensation douloureuse disparaît. Mais faire toutes ces expériences, c'est la sagesse, c'est la connaissance. Si quelqu'un est sous la guidance d'un maître de méditation, il n'y a aucun danger. Mais si quelqu'un pratique sans la guidance d'un professeur, et surtout s'il est fanatique dans sa façon de pratiquer, il est possible qu'il y ait du danger. L'observation des sensations douloureuses ne mènera pas à une perte, bien au contraire, elle va amener beaucoup de bénéfices. En observant les sensations douloureuses, le méditant va se rendre compte que le corps est incertain. On ne peut pas lui faire confiance. Il va développer la patience et il va devenir plus zélé. Lorsqu'il aura réussi à surmonter une sensation désagréable pour la première fois, il aura le courage d'affronter les suivantes. Lorsque sa concentration va devenir puissante, il est possible de se guérir de maladies dites incurables par les médecins. Un autre avantage, c'est que la circulation sanguine va s'améliorer et l'apparence du corps, la santé, va s'améliorer. Il n'y a donc aucun désavantage à pratiquer cette méditation satipatthana, bien au contraire, il n'y a que des avantages. Le vénérable Sayadaw aimerait préciser que jusqu'à présent, il n'a jamais vu une personne qui mourait au cours de sa pratique de vipassana. La question suivante, comment savoir si la cible a été atteinte? Que faire pour que l'effort soit bien dosé, qu'il ne soit ni trop fort ni trop faible? Il est facile de répondre à cette question. On peut voir par soi-même très facilement si on a atteint la cible ou pas. Vitaka, la focalisation et Viriya, l'effort, s'ils sont bien dosés, auront pour résultat que l'esprit va tomber directement sur l'objet et ceci sera très clairement perçu par le méditant. Mais si Vitaka est faible ou si Viriya est faible ou si ces deux facteurs sont faibles, si la focalisation et l'effort ne sont pas bien dosés, l'esprit n'atteindra pas la cible et le méditant va se mettre à rêvasser, il va tomber dans la torpeur. Ceci également est facile à constater par soi-même. Que faire pour éviter soit excès de viriya, soit insuffisance d'effort? Si le désir de pratiquer chanda est trop fort, ceci peut avoir pour résultat que l'effort sera excessif et l'esprit va dépasser la cible. Il va le rater. Si chanda, le désir de pratiquer, est faible, l'effort sera faible également et en conséquence, l'esprit n'atteindra pas la cible, il va la rater également. Pour bien doser l'effort, il faut que nous dirigions correctement notre esprit vers l'objet. Mais si nous ne dirigeons pas bien notre esprit vers l'objet, si Vitaka n'est pas bien ajusté et que nous n'atteignons pas la cible, nous devrons appliquer Yoniso Manasikara qui va nous permettre d'ajuster, de trouver la bonne mesure. On peut comparer cela au fait de chercher la bonne longueur d'onde sur une radio. Il faut dans un premier temps trouver l'émission que l'on recherche et ensuite il faut ajuster plus finement. La question suivante, je voudrais savoir s'il y a des risques à pratiquer chez soi à la maison de façon intensive. Est-ce que je ne risque pas de faire fausse route? Pour répondre à cette question, il faut la diviser en deux. Les méditants qui pratiquent sous la guidance d'un professeur et qui ont déjà réalisé le Dhamma ne courent aucun risque. Ils peuvent pratiquer intensivement chez eux. Mais les méditants qui débutent courent effectivement certains risques s'ils pratiquent intensivement chez eux à la maison. Si on fait une randonnée en compagnie d'un guide, il pourra nous montrer le chemin. On pourra atteindre notre destination. Et la prochaine fois qu'on prendra ce même chemin sans ce guide, ce sera facile de s'y retrouver. Mais si on se lance dans une randonnée sans être accompagné par un guide, mais qu'on dispose d'une carte, il est possible qu'on atteigne la destination, mais ceci n'est pas tout à fait garanti. Si on arrive à un croisement, on ne saura pas avec certitude quel chemin choisir et il se pourrait qu'on prenne la mauvaise direction. C'est pourquoi le vénérable Sayadaw dit que pour les méditants qui débutent, il y a un certain danger à pratiquer intensivement chez eux à la maison, surtout s'ils le font de façon tendue. Mais si on s'en tient à simplement noter ce qui se présente et qu'on le fait de façon détendue, il n'y a pas de danger. Comme nous faisons tous partie de la même famille du Dhamma, nous dit le vénérable Sayadaw, nous allons certainement nous retrouver dans l'avenir. Et c'est pourquoi le vénérable Sayadaw vous dit à tous bye bye.